diversité. C'est fou, 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, Télévision, de plus en plus de Québécois branchent leur téléviseur à Internet. Et de plus en plus de Canadiens branchent leur radio avant de prendre leur bain, mais ça, c'est moins recommandable. Dans Segment Geek, c'est Alex Codler, le Tinder platonique pour faire des câlins à des inconnus. Il y a aussi Twitter pour traiter des inconnus de tweet et Flickr pour écœurer les policiers, pour ceux qui cherchent. Et dans Merci Science, le sport préserve notre cerveau de la vieillesse, mais ça, je m'en fous. On va se plancher tout de suite. Et voici celui qui anime l'émission que vous écoutez en ce moment même, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue à Mathieu Plante, je suis avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante, oui c'est vrai. Aujourd'hui l'émission, la chronique télévisuelle Télévision, le segment Geek CNX, le survol du net dans WoW at Web, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine. Merci science, on va tout faire cette semaine parce qu'on n'a pas de chronique sur les jeux rétro. Samuel Girard est là aux deux semaines, on va le retrouver la semaine prochaine en début d'émission. On va commencer aussi une nouvelle série musicale, c'est Legacy 25th, Game Boy 25th Anniversary, pardonnez-moi, sur la musique des jeux sur Game Boy à travers l'histoire des 25 dernières années. Avant ça, par contre, on va écouter un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et je vous propose deux extraits pour commencer par le même artiste qui s'appelle Chipscape. Plus tard, il y aura la chanson Commando Run, mais tout de suite, voici Children of Silicon, tout de suite, pour Mathieu Plante Show. Deux pièces de Chipscape. On va entendre Commando Run. Et avant, c'était Children of Silicon. Maintenant, parlons de télévision. Oui, de télévision. Dans Television. Television, est-ce que c'est clair? Oui. C'est Television où on parle de télévision. Je pense qu'après six fois, vous avez compris. Commençons au Québec. Le CRTC approuve la modification de licence de Série Plus. Une modification qui va permettre à Série Plus de produire de nouvelles séries. Suite à une demande déposée par Corus Entertainment, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC a accepté de modifier la condition de licence de Série Plus relative aux dépenses en matière de production originale de langue française en augmentant les dépenses obligatoires de 750 000 $ sur trois ans entre 2014 et 2017. Cette somme supplémentaire se traduira en une augmentation de la production originale de langue française sur Série Plus et sera dépensée pour la production d'une série diffusée au cours de la saison 2016-17. Ainsi, Corus consacrera au moins 1,5 million de dollars par année au financement de dramatiques originales de langue française et au moins 750 000 dollars en plus au cours des années de radiodiffusion, de télédiffusion 2014-15, 15-16 et 16-17. Depuis, le titulaire doit consacrer 3,5 millions de dollars au cours de la période de licence pour défrayer les coûts de doublage en français au Canada des séries canadiennes et internationales diffusées. Corus affirme que cette somme supplémentaire résulterait en un budget total de 6 à 6,5 millions de dollars, ce qui représenterait la production d'une série dramatique de grande qualité de 8 ou 9 épisodes d'une heure ou d'une comédie dramatique de 20 épisodes d'une demi-heure. Selon le conseil, cet investissement supplémentaire pourrait stimuler l'innovation, améliorer la qualité du service de Série Plus et le rendre plus attrayant. En effet, c'est bien sûr à encourager toujours d'avoir plus de contenu local, surtout sur une chaîne qui a tendance à utiliser des séries américaines comme Bikig, le code d'écoute depuis quand même pas mal longtemps. Mais c'est parmi les chaînes québécoises que je trouve qu'il y a le plus de contenu local intéressant. Ensuite, une vingtaine de postes coupés chez Musique Plus. Ça va pas très bien. Les chaînes V et Musique Plus se sortent le couperet et suppriment une vingtaine de postes. Cette réorganisation s'inscrit dans la foulée de l'acquisition de la chaîne musicale par le groupe V. Les emplois abolis sont essentiellement des postes administratifs et liés aux communications. On le verra pas en ondes. Ça touche pas la production ni l'animation. Les gens ont été rencontrés récemment et les travailleurs mis à pied ne seront pas remplacés dans l'entreprise. On connaît pas leur traitement ni leurs conditions de départ. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont suivre les contrats de travail et les lois. À la mi-septembre, on s'en rappelle, le groupe V Media avait annoncé l'acquisition des chaînes spécialisées Musique Plus et Musimax de Bell Media. Le CRTC avait donné son aval à la transaction. Lors de l'annonce, on avait aussi confirmé l'arrivée de nouveaux partenaires financiers comme la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds Solidarité FTQ Investissement Québec. Questionné sur ses mises à pied, environ une quinzaine de jours seulement après la transaction, le Fonds FTQ a défendu son investissement en disant qu'il voulait sauver le plus d'emplois possible en sachant qu'on pouvait pas sauver tous les emplois. Selon les sources, l'ambiance chez Musique Plus était difficile avant la transaction. Plusieurs croyaient que la chaîne allait fermer tout simplement. Mais groupe V n'avait pas commenté lors de la mise en ligne de l'article qui est disponible sur assemblagerequis.com. Avant les mises à pied, il y avait environ 120 employés chez Musique Plus et Musimax. Donc on a coupé une vingtaine de postes. Vince Vaughn, chose que je l'appelle. On savait déjà que Colin Farrell serait dans la prochaine saison, la deuxième série de True Detective. Mais HBO vient de révéler que Vince Vaughn va être à ses côtés. Les deux acteurs vont succéder à Matthew McConaughey et Woody Harrelson dans la suite très attendue de la série policière de Nick Pizzolatto. La chaîne américaine confirme les rumeurs qui couraient depuis plusieurs mois et en profite pour annoncer que Justin Lee de Rapide et Dangereux 4, 5 et 6 va réaliser les deux premiers épisodes. Il va succéder à Cary Fukunaga. Le réseau également lever le voile sur leur rôle. Colin Farrell va incarner Ray Velcoro, un détective déchiré entre son unité corrompue et le lien et ses liens avec le gangster, voilà qu'il fait chanter. Il sera chargé de résoudre l'enquête de cette deuxième salve saison avec les deux autres personnages, un homme et une femme, dont les noms ne sont pas encore révélés. En tout cas, n'ont pas été révélés à la date de l'article, évidemment, et en date de la diffusion de cette émission. Quant à Vince Vaughn, il interprétera Frank Simeon, un professionnel du crime dont l'empire est menacé après la mort de l'un de ses associés. Un rôle très sombre qui engage donc un vrai tournant dans sa carrière. On est habitué de le voir dans des comédies. Le tournage de la deuxième saison commence en octobre à Los Angeles pour une diffusion en janvier 2015. Notre bon ami Charlie Sheen ne reviendra pas dans « Mon oncle Charlie », l'émission qui portait son nom. Les producteurs de la série télévisée Two and a Half Men ont démenti les rumeurs qui laissaient croire que Charlie Sheen allait faire son retour dans le dernier épisode de la série. L'acteur qui avait été remercié de la série en 2011 après avoir publiquement insulté Chuck Lorre, le créateur de Two and a Half Men, pensait que c'était une belle opportunité, lui. Il avait confié à TV Guide qu'il avait contacté son ancien agent pour lui proposer de revenir dans le tout dernier épisode et pour lui suggérer une possibilité de comment le faire. Parce que bon, pour ceux qui n'ont pas regardé la série, et l'article finit en volant le punch, ceux qui n'ont pas regardé la série, bon, disons que c'est plutôt difficile de ramener Charlie Sheen dans l'émission. Vous pouvez en supposer ce que vous voulez, mais apparemment qu'il avait trouvé une façon de le faire. Donc on dira rien de plus, mais ça n'arrivera pas. De toute façon, Chuck Lorre est vraiment, vraiment fâché contre M. Sheen. Une blague dans Les Simpsons et Family Guy, donc l'émission d'accouplement, de crossover qu'on appelle, de chassé-croisé entre Simpsons et Family Guy, suscite la controverse. Une blague incluse dans un prochain épisode qui combine les deux émissions, met Fox dans l'embarras. L'émission doit être diffusée dimanche. S'en vient. Je crois que c'est le 4 octobre, quelque chose du genre. Elle mettra en scène la famille Griffin en visite à Springfield, où elle fera la rencontre de Bart Simpson et sa famille. On avait déjà parlé de ça dans une précédente chronique Television. Je vous confirme que c'est le 5 octobre, la date. La blague controversée circule depuis quelques temps dans la bande-annonce, en fait, de l'épisode que Fox a mis en ligne au début ou au courant de l'été. Elle arrive à la fin d'une scène dans laquelle l'incorrigible Bart enseigne au petit Stewie Griffin comment faire un coup de téléphone. Et il téléphone donc à sa victime préférée, Mo, pour lui demander de parler à un client au nom comique, un jeu de mots en anglais évidemment. Impressionné, Stewie essaie de l'imiter, mais lorsqu'il joint Mo au téléphone, il lui lance un « Bonjour Mo, ta sœur se fait violer ». C'est la blague qu'ils ont trouvée. Approprié là. Donc, Tim Winter, président du groupe Parents Television Council, explique qu'il est un fan de longue date des Simpsons et de Matt Groening, le créateur des Simpsons, et qu'il a donc cherché à voir la bande-annonce lorsqu'elle a été diffusée. Il affirme avoir été troublé par la blague sur le viol, surtout à un moment où les histoires d'agression sur les campus universitaires et de violence contre les femmes perpétrées par la NFL, entre autres les joueurs de la NFL, font les manchettes. Selon ce gars du Parents Television Council, on rappelle encore une fois que c'est un groupe un petit peu, traditionnel et... disons qu'ils sont facilement offusqués, en général. Il dit, lorsque le viol est accepté dans une blague, le geste devient moins choquant dans la vraie vie. Bon, c'est ce qu'il dit, c'est de son côté. Il dit avoir écrit à Matt Groening, ainsi qu'au créateur de Family Guy, Seth MacFarlane, en août dernier, ainsi qu'à Fox, demandant que la blague soit retirée de l'épisode lors de la diffusion. Une porte-parole de Fox a déclaré que la chaîne ne commenterait pas sur les critiques et n'a pas voulu préciser si on songeait à retirer la blague. Mais la porte-parole du groupe d'aide aux personnes victimes d'agression, Rape, Abuse and Incest National Network, le RAIN, affirme pour sa part que la blague ne l'a pas choqué. Tu sais, c'est la porte-parole de groupe d'aide aux victimes d'agression sexuelle qui dit que la blague ne l'a pas choqué. Je cite... je crois que l'émission dit clairement que le viol n'est pas drôle grâce à la façon dont la blague est intégrée. J'espère que les téléspectateurs le verront de la même façon. Seth MacFarlane a récemment mentionné la blague en entrevue dans le magazine Entertainment Weekly, prédisant qu'il serait sans doute attaqué dans les médias. Je pense que le gars est au courant de qu'est-ce qui peut offusquer les gens avec autant d'années d'expérience derrière lui. Mais dit dans le contexte, je cite, c'est plutôt drôle. Tim Winter croit, quant à lui, que le sujet n'est pas matière à rire. On reparle du gars de Parents Council. Il s'inquiète surtout de la façon dont les jeunes téléspectateurs percevront la blague, surtout si ce sont des fans des Simpsons qui ne sont pas familiers avec le style d'humour de Family Guy. Ça, c'est clair que c'est pas le même genre d'humour, Simpsons et Family Guy. Family Guy, c'est un petit peu plus vulgaire, un petit peu plus à rebrousse-poil, comme on dit. Alors que les Simpsons, bon, des fois, ça peut aller un petit peu plus loin que le mainstream, le grand public. Mais en gros, c'est assez familial. En gros. Je cite, nous ne nous moquons pas de certains groupes parce que nous réalisons que ce serait un manque de sensibilité et moralement répréhensible. Pourquoi ne ferions-nous pas la même chose en ce qui a trait aux agressions sexuelles? C'est encore une fois le monsieur de chez Parents Television Council. Faites-vous votre propre idée, bien sûr, en regardant l'épisode sur Fox. C'est ce dimanche soir. Ensuite, parlons de films à la télé. Un reboot du film de 1985, Real Genius, s'en vient peut-être à la télé. NBC développe Profession Génie. C'est le titre en français de Real Genius. Une comédie basée sur le film de 1985, mettant en vedette Val Kilmer. Le projet qui a reçu un engagement de script de la part de NBC sera produit par Sony Television avec Happy Madison, qui appartient à Adam Sandler et Three Arts Entertainment, écrit par le coproducteur délégué Craig DiGregorio, qu'on connaît pour la série Workaholics, et David King, qui travaille sur Parks and Recreation. Real Genius est un redémarrage actualisé donc du film culte. Ça se passe dans le présent, c'est pas un remake, c'est un reboot, défini comme une comédie en milieu de travail. Le film Real Genius mettait en scène un adolescent timide et renfermé. Mitch est un jeune prodige scientifique recruté par l'Université technologique de Californie pour expérimenter un système laser super puissant. Dans l'équipe des surdoués, il se lie d'amitié avec Jordan et Chris. Ensemble, ils poursuivent leurs recherches et en découvrent les redoutables applications. Conscient d'avoir été exploité, ils se vengeront de façon cruelle mais drôle. Le film était réalisé par Martha Coolidge et produit par Brian Grazer. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça va devenir une série, mais on a demandé, donc, comme je disais tantôt, c'est un un script, un engagement de script. Donc, le script sera écrit, quelqu'un va faire de l'argent là-dessus, mais ça veut pas dire que ça va être diffusé. Maintenant, une première série originale pour le PlayStation Network, c'est Powers, qui va être une adaptation pour la télévision américaine de la série de bande dessinée du même nom écrite par Brian Michael Bendis. La série sera diffusée en décembre 2014 sur le PlayStation Network, la première programmation originale du PSN. Les deux premiers épisodes de la série seront écrits par Charlie Houston et réalisés par David Stade, qu'on connaît pour Hannibal, Awake et Breaking Bad, le chimiste. Charlton Copley de District 9 va jouer Christian Walker, alors que Susan Hayward de l'émission The Following va jouer Dina Pilgrim. Il va aussi y avoir d'autres gens, des gens plus connus que d'autres, comme Eddie Izzard, qui va être dedans. Très drôle, Eddie Izzard. La série de bande dessinée met en scène les détectives aux homicides de Christian Walker et Dina Pilgrim, qui enquêtent sur des affaires impliquant des super-héros et des super-vilains qui sont communs dans leur monde. Ils travaillent dans une... commun comme dans Répandu, j'imagine. Ils travaillent dans une division spéciale appelée Powers. On va bien sûr suivre le dossier. On ramène les Popples sur Netflix. Ouais, les Popples. Tu te demandes, tu sais, qu'est-ce qui reste à ramener? On est rendu aux Popples. Le service de streaming Netflix a commandé une émission pour enfants basée sur les Popples, les personnages animés des années 80. Donc, Popples, 26 fois 30 minutes, qui sera disponible pour les abonnés de Netflix dans le monde entier. Une série d'animation qui est destinée aux jeunes enfants. Elle met en scène les Popples, des créatures magiques, poilues et colorées, qui vivent cachées dans la maison de Billy et Bonnie, les seuls enfants ayant connaissance de leur existence, oui. L'émission est produite par Saban Brands avec Zag Entertainment et sera disponible aux abonnés à partir de la fin de 2015. Et puis, au Québec, la série a été diffusée sur Canal Famille. Je crois que c'est entre autres. Je crois que c'est peut-être été diffusé ailleurs. De plus en plus de Québécois branchent leur téléviseur à Internet. On va lire un article ensemble du Soleil. Le monde du divertissement change, l'accès à des activités pour occuper les temps libres aussi, souligne la dernière enquête de nette tendance du Cifrio, car la croissance fulgurante d'Internet a ouvert la voie à de nombreuses options pour se divertir. La tendance la plus importante, c'est le téléviseur branché comme outil de divertissement, mais pas nécessairement pour écouter la télé en direct, car brancher son téléviseur à Internet est de plus en plus populaire au Québec. Alors qu'en 2013, 4 internautes sur 10, donc 39%, branchaient leur téléviseur sur le web. Ils sont désormais près de la moitié à le faire en 2014, donc 48%. Cette pratique est encore plus prisée chez les hommes, 53%, que chez les femmes, 44%, chez les internautes âgés de 18 à 44 ans, 62%, ainsi que dans les foyers où le revenu annuel est supérieur à 100 000 $, 69%. Wow! Pour accéder à Internet sur un téléviseur, le moyen le plus répandu demeure la console de jeux vidéo pour 62% des internautes. C'est suivi de l'ordinateur à 45%, de l'appareil mobile à 36%, du téléviseur intelligent à 27%, qui est une bonne croissance par rapport à 2013, nous dit-on, et du lecteur multimédia en continu, ma méthode préférée, 17%. J'adore. Je dirais jamais assez ma boîte Roku. Si vous avez envie d'une boîte qui fonctionne, puis t'as juste à t'effoirer dans le divan, puis te pogner à la manette, puis te piquer sur des pitons, t'sais, à la place d'avoir à te déranger, à lever tes fesses du divan, aller peser sur un clavier, puis sur une souris. Un ordinateur, c'est bien le fun de brancher dans la TV. Je l'ai fait pendant très très longtemps, là, mais je suis passé au niveau supérieur et je vous le conseille. Quand t'as pas le câble, je trouve. Principalement, j'ai pas le câble, puis c'est mon moyen de divertissement, j'adore ça. Bref, on peut revenir à l'article. Selon la directrice principale recherche marketing du Cifrio, on a dit qu'Internet est de plus en plus le point de convergence d'un nombre grandissant d'activités de divertissement des internautes québécois, que ce soit pour l'écoute de vidéos ou de musique en ligne par diverses plateformes, avec une croissance du côté des téléviseurs connectés. L'écoute de vidéos trône au sommet des activités de divertissement en ligne avec 57% des internautes. L'étude note que 36% des internautes regardent la web télé gratuite ou payante, mais l'écoute de web télé payante affiche une forte croissance par rapport à 2013 et est désormais pratiquée par 20% des internautes, c'était 14% en 2013. En ce qui concerne le jeu en ligne, les hommes et les femmes sont maintenant à égalité. Plus du tiers, 36% des internautes jouent à des jeux en ligne, que ce soit sur des sites de jeux, 22%, des sites de réseautage, comme Facebook, 14%, ou des consoles de jeux à 17%. La proportion d'adeptes de jeux en ligne est comparable entre les hommes et les femmes, mais les internautes masculins utilisent davantage la console et les femmes préfèrent les sites de jeux en ligne. Ils vont jouer à Bejeweled et Angry Birds. Par contre, l'utilisation du livre numérique demeure marginale, car la proportion d'adultes québécois qui téléchargent des livres numériques en 2014, donc 14%, est stable en comparaison avec 2013, où c'était 13%. C'est du côté des adultes détenant un diplôme universitaire à 24%, et chez ceux avec un revenu familial annuel de 100 000 $ et plus, 28%, qu'on observe le plus de téléchargements de livres numériques. Les résultats complets sur Cefrio, cefr.io, vol 5, nos 3. Volume 5, numéro 3, on se comprend. Le lien est sur assemblagerequis.com. Ah, il va falloir dire au revoir à notre amie Vanessa. Oui, parce que Vanessa s'en va, Vivid s'en vient. Hein, Vivid. C'est un article de la presse qu'on se lit ensemble pour complet. parce qu'il y a plein de détails superflus, mais 4 ans jour pour jour après son lancement, la chaîne érotique Vanessa, fondée par Anne-Marie Lozic, disparaîtra du paysage médiatique canadien pour faire place à une nouvelle entité. L'entreprise a annoncé un partenariat avec Vivid Entertainment, le géant américain du 3X, connu entre autres pour avoir commercialisé les sex tapes des starlettes Kim Kardashian et Pamela Anderson. Hein? En gros, la marque Vanessa fera place à celle de Vivid TV Canada et Mme Lozic prendra la tête de cette nouvelle chaîne bilingue qui entrera en onde le 28 octobre. C'est Anne-Marie Lozic elle-même qui est entrée en contact avec le co-président de Vivid, Bill Asher, sur LinkedIn. Ils se sont rencontrés sur LinkedIn, ils sont allés déjeuner ensemble, puis ça a mené vers un contrat. Les négociations ont duré tout l'été avant d'aboutir à une entente de 5 ans à la fin du mois d'août. La Québécoise reste 100% propriétaire de son entreprise, qui est Sex Shop TV Inc., la société mère de Vanessa, et de sa licence auprès du CRTC. Elle partagera les revenus de la nouvelle entité avec Vivid, dont le chiffre d'affaires est estimé à plus de 100 millions de dollars par Forbes. C'est la première fois que Vivid TV présente dans 26 pays s'implante dans un nouveau marché avec un partenaire local. Pour Bill Asher, il importait de garder une saveur québécoise. D'ailleurs, la nouvelle chaîne va offrir environ 20% de contenu local, tandis que le reste proviendra de l'immense banque de production de Vivid. Anne-Marie Lozic dit n'avoir aucun regret par rapport au lancement de la chaîne Vanessa en 2010, même si certains ont dit que c'était un échec. Elle aime avoir dû effectuer une restructuration majeure en 2012, délaissant la production de contenu maison pour se concentrer sur la diffusion. D'ailleurs, Sex Shop TV, qui compte une demi-douzaine d'employés, c'est pas beaucoup, 6, ils vont déménager sous peu dans de nouveaux bureaux à 2 pas du Square Victoria. Il y a une entrevue complète avec Anne-Marie Lozic, la femme d'affaires, sur assemblagerequis.com. Et nous voilà au bout de notre fil de nouvelles sur Television, mais continuons avec les codes d'écoute pour la semaine du 1er au 7 septembre 2014. Commençons au Québec avec en 15e à 6e place en rafale, Vengeance, Les Gags, TVA Nouvelles, Le Tricheur, LOL, O. TVA avec leur nom d'émission, juste avec des lettres, le LOL, O. Les nouvelles TVA. C'est quoi ces lettres-là? Donc, La Poule aux odeurs, Bloopers TVA, Les Chefs et Toute la vérité. En 5e, Le Dôme à TVA. En 4e, Bloopers à TVA. En 3e, Le Dôme à TVA. En 2e, Vive la rentrée à TVA. Et en 1ère, L'été indien à TVA. Pour vrai, Radio-Canada, là, la seule position dans le top 10 est Les Chefs en 7e place. Et dans le reste au complet, il y a seulement la 10e place, avec la 15e pardon, avec Vengeance. Je te dis qu'ils se font pas mal battre de ces temps-ci. Du côté du Canada anglais, ça change pas vraiment de semaine en semaine, je vous dirais. Position 15 à 6, America's Got Talent, Two and a Half Men, America's Got Talent, NCIS, Hotel Hell, Unforgettable, Extant, Big Brother, Big Brother, Big Brother. En 5e, les nouvelles de CTV. En 4e, Big Bang Theory sur CTV. En 3e, Under the Dome sur Global. En 2e, Masterchef sur CTV. Et en 1ère, c'est The Amazing Race Canada sur CTV. Voilà pour les codes d'écoute et tout le reste de Television. Les liens sur assemblagerequis.com. Tantôt, on revient avec Merci Science, la chronique qui fusionne science, technologie, médecine et autres trucs comme ça. Mais avant, on retourne en chiptune, on va entendre Info Drive. Voici Too Lazy to Smoke. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. de découverte. C'est fou, 89.1. C'était Rinda Doshiro OST, Choose Your Destiny Profile Select par Brink. Avant ça, on a entendu Too Lazy to Smoke par Info Drive, deux pièces de chiptune. Retour de ce Mathieu Planche show. La, la, la, la. On est de retour pour parler de science dans Merci Science. Ça tombe bien. C'est Merci Science, où on remercie la science d'exister. Commençons au CHU de Montpellier, où une équipe est parvenue à réaliser une copie précise d'un embryon avant son implantation pour une FIV. On va tout expliquer ça plus tard. Avec ce modèle manipulable, les médecins peuvent plus facilement choisir le bon embryon et donc améliorer les chances de réussir. Lors d'une FIV, qui est une fécondation in vitro, les médecins doivent choisir entre plusieurs embryons au moment de l'implantation. Le choix est délicat parce qu'à ce stade-là, en général, entre 2 ou 3 jours seulement après la fécondation, l'embryon est minuscule et composé de seulement quelques cellules, entre 2 et 8. Or, la probabilité est grande qu'il puisse s'accrocher suffisamment bien dans l'utérus, d'autant plus que, dans les conditions naturelles, l'embryon, à cette étape-là, est encore dans les trompes de Fallope. Et n'ira se nicher dans l'utérus que 5 à 6 jours après la fécondation. On considère que l'échec pour un embryon donné survient dans 85 % des cas. Une méthode est de poursuivre plus loin le développement in vitro jusqu'au stade blastocyste, celui auquel il s'accroche l'utérus, mais tous ne parviennent pas aussi loin et même à ce stade, tous ne parviennent pas à survivre dans l'utérus. La seule solution est donc pour l'instant d'implanter plusieurs embryons, ce qui conduit à augmenter le risque de grossesse multiple. Depuis des années, les spécialistes de la FIV cherchent à trouver les meilleurs critères possibles pour sélectionner les embryons candidats à l'implantation, de manière à réduire le nombre d'embryons implantés, idéalement à un seul. Ils surveillent les divisions cellulaires et leur rythme, ainsi que la morphologie de l'embryon, qui ne mesure encore qu'un à deux dixièmes de millimètre. Tout est-il normal? Et bien pour ça, l'arme est le microscope optique. Il n'est cependant pas facile de bien comprendre les formes de l'embryon de quelques jours en le regardant à travers un instrument qui ne donne jamais qu'une vision dans un plan. Or, des petits défauts de forme peuvent suffire à empêcher la fixation de l'embryon sur la paroi utérine. Alors, certains ont eu l'idée d'en réaliser un modèle en 3 dimensions à partir d'une série d'images collectées par un ordinateur. Et pourquoi pas, plutôt qu'un modèle virtuel, fabriquer grâce à une imprimante 3D une maquette manipulable qui permettra de bien vérifier l'état de l'embryon. Et bien, c'est ce qu'on fait au CHU de Montpellier, le professeur Samir Hamama, chef de service du département de biologie de la reproduction et diagnostic pré-implantatoire, la docteure Elodie Scaletti, assistante hospitalière universitaire, et le docteur Samuel Mirigo de la société Trudology. Les réalisations obtenues ont une résolution suffisante de l'ordre du micromètre pour les plus petits de taille reproductible pour apprécier la morphologie de l'embryon. On peut étudier la globalité de l'embryon, donc les blastomères, ça c'est des cellules, les fragments, la zone pellucide, la régularité, un paquet d'autres termes que personne comprend, mais c'est pas l'important de la chose pour nous. L'objet, donc d'environ 5 cm de diamètre, devient un outil de communication entre médecins, mais aussi avec les parents qui pourront mieux comprendre les difficultés et les raisons du choix de tel ou tel embryon pour donner après ça un être humain. Donc ce modèle pourra-t-il devenir aussi un souvenir comme les images d'échographie? Hein? L'équipe qui a déposé un brevet en juillet dernier souligne cependant que la méthode reste à évaluer pour en préciser les utilisations possibles. Eh bien, sans doute ce modèle pourra-t-il devenir aussi un souvenir. Ok, ouais, j'essaie de comprendre l'idée derrière la phrase et j'analyse tout le temps ce que je lis. Pour vrai, c'est donc de pouvoir garder l'objet imprimé en 3D. Comme petit memento, si on veut. Hein? Ouais. Ensuite, rien à voir avec le Pepsi Diet en passant le memento. Les sexagénaires, septuagénaires, c'était pas drôle. Et octogénaires, en bonne forme physique et amateurs d'activités sportives régulières, protègent leur cerveau des lésions dues à l'âge. Ainsi, la mémoire, le langage ou encore l'apprentissage sont chez eux des fonctions cognitives moins dégradées que chez des individus moins actifs. Genre, mettons moi. Si l'activité physique entretient le corps des personnes âgées, elle entretient aussi leur cerveau, démontre une étude parue dans PLOS ONE. Précisément, plus l'être humain est physiquement actif, durant sa vieillesse, moins il présente de lésions cérébrales. Pour valider cette hypothèse, 88 personnes de 60 à 78 ans ont participé à une expérience scientifique. Peu enclines au sport, elles étaient pour autant diagnostiquées en bonne forme cardiovasculaire. Durant une semaine, les volontaires ont porté des accéléromètres pour suivre la durée de leur activité physique quotidienne et mesurer en parallèle leur période de temps en position assise. Les chercheurs ont ensuite scanné le cerveau des participants pour juger de la qualité de la structure de la substance blanche, une catégorie de tissu du système nerveux central responsable de la propagation des informations dans le système nerveux. Les scientifiques ont notamment recherché un type de lésion qu'on appelle l'hypersignal de la substance blanche, qui est fréquente chez les personnes âgées. Les résultats montrent que, quel que soit l'âge, le sexe et la forme, plus les personnes âgées étaient engagées dans des activités physiques quotidiennes comme du jardinage, plus leur substance blanche restait correctement structurée. Et ce, notamment au niveau du lobe temporal, une partie du cerveau située derrière les oreilles, impliquée dans la mémoire, le langage, l'audition et la vision. Et en comparaison, plus les volontaires passaient de temps assis, moins leur substance blanche se conservait dans les zones connectées à l'hippocampe, une zone également importante pour la mémoire, mais aussi pour l'apprentissage. Pour l'équipe de recherche, si l'exercice physique protège certaines parties du cerveau du vieillissement, on ne sait pas encore exactement par quel mécanisme. Une hypothèse selon eux est que le sport couplé à une bonne santé atténuerait les changements vasculaires impliqués au cours de la vieillesse, dans les développements des lésions de la substance blanche. C'est quelque chose qu'on devrait écouter, qu'on devrait faire. Mais maudit que la paresse l'emporte surtout dans la vie, hein? T'sais? Travailler pendant son temps libre nuit à la santé. Tu vois, ça, c'est comme le problème, pas contraire, mais ceux qui travaillent à la maison alors qu'ils sont pas supposés. T'sais? T'es dans tes temps libres et à place de faire des sports et peut-être de la marche et peut-être améliorer ta santé, tu continues de travailler. Dans une étude englobant 57 000 employés européens, environ la moitié travaillait chez eux en dehors des heures prévues dans leur contrat. Cet excès de zèle les soirs et week-ends pourrait favoriser des problèmes de santé comme des troubles cardiaques, de l'angoisse, de la fatigue, de l'insomnie et des maux de tête. Grâce à l'évolution des technologies de l'information, chacun peut rester joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, téléphone intelligent, tablette permettent de consulter ses courriels et documents de travail le week-end ou de recevoir des appels professionnels en dehors des heures de bureau. Certains, même, c'est dans leur contrat que tu dois pouvoir les rejoindre en tout temps. Ceci pourrait accentuer la pression sur les salariés pour qu'ils restent joignables même en dehors de leurs heures de travail, voire pour qu'ils fassent un peu de leur travail chez eux. Le travail à la maison pourrait alors interférer avec les rythmes biologiques du sommeil ou la vie sociale. Dans une recherche allemande parue dans Chronobiology International, deux chercheurs ont étudié l'effet de ce travail supplémentaire sur la santé. Pour ça, ils ont utilisé les données de deux vastes enquêtes européennes, les 4e et 5e European Working Conditions Survey, donc les EWCS 2005 et 2010, portant sur 22 836 et 34 399 employés respectivement. Environ la moitié des participants a déclaré travailler parfois ou souvent pendant leur temps libre. Ceux qui travaillent chez eux peuvent appartenir au secteur des services, de la finance, de l'enseignement et de l'administration publique. Par rapport à ceux qui n'avaient jamais été contactés par leur employeur dans leur temps libre dans les 12 mois précédant l'étude, le risque de signaler au moins un problème de santé augmentait chez les employés qui avaient été contactés parfois, donc à 26 % ou souvent à 13 % Le travail en dehors des heures prévues dans le contrat semblait avoir un effet sur la santé. Le risque d'en déclarer augmentait de 14 % pour ceux qui travaillaient parfois durant leur temps libre et de 60 % pour ceux qui travaillent souvent, relativement à ceux qui ne le faisaient jamais. Le fait de travailler tous les jours durant son temps libre doublait le risque de problèmes de santé liés au travail par rapport à ceux qui ne le font jamais en dehors des heures contractuelles. Par conséquent, ceux qui travaillaient le soir et les week-ends se plaindraient plus souvent de troubles comme de l'insomnie, des maux de tête, de la fatigue, de l'anxiété et des problèmes digestifs. Ceci pousse les chercheurs à mettre en garde les employeurs sur ces pratiques. Je cite « Le temps libre devrait être du temps libre, sinon on peut s'attendre à ce qu'il ne remplisse pas ses fonctions de rétablissement et de récupération. » Nos résultats indiquent que même un peu de travail supplémentaire en dehors des heures de travail acceptées dans leur contrat peut conduire à des problèmes de santé. La corrélation est très forte. On suggère que les employeurs devraient commencer à regarder comment ils peuvent minimiser le travail supplémentaire de leurs employés. Évidemment, c'est toute une culture d'entreprise qui doit changer pour arrêter ça. Et c'est certain que si les employés travaillent à la maison, ils vont être peut-être moins productifs au travail parce qu'ils ne dorment plus, puis ils n'ont pas de temps libre, ils n'ont pas d'épanouissement. Donc, tout ça, hein, ça fonctionne ensemble, ce casse-tête-là. Voilà pour Merci Science, les liens sur assemblagerequis.com comme toujours. Tantôt, le segment Geek CNX avec, entre autres, un capteur tactile 1000 fois plus sensible qu'un doigt humain. Et des robots qui retrouvent des objets perdus grâce à des puces RFID. C'est dans le segment Geek CNX dans quelques minutes. Mais avançons, on continue notre petit séjour musical dans l'environnement chiptune. On s'en va entendre. On est rendu à Power Supply. Oui, Power Supply. Voici Balloon... Comment? Balloon Colony. Une colonie de ballons. OK, je voulais juste être sûr. Là. Colonie de ballons. Tu vois pas ça à tous les jours. Hein? C'est au Mathieu Plante Show sur C'est fou. Avec Balloon Colony, Stratus Land, No Needles Allowed. Oh, Mathieu Plante Show. Tout le temps des noms compliqués pour une chanson qui dure genre 1 minute 45. Allons-y avec le segment Geek Scenic. C'est CNX où on parle des nouvelles technologiques des 7 derniers jours. Commençons avec des chercheurs du MIT et de l'université Northeastern qui ont équipé un robot d'un nouveau capteur tactile qui serait 100 fois plus sensible qu'un doigt humain. Le système associe la reconnaissance optique à un algorithme de vision pour atteindre une précision inédite, de quoi conférer à de tels robots une bien meilleure dextérité. Donc, brancher un câble USB dans une prise est devenu un geste courant. Pourtant, l'opération n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Il faut tenir l'embout, je vous explique. Là. Il faut tenir l'embout dans le bon sens, ok, tout en alignant avec la prise. Incroyable. Une manœuvre qu'un humain exécute sans difficulté, mais qui est loin d'être facile pour un robot. Un nouveau capteur tactile dénommé GelSight est capable de conférer une telle dextérité à des doigts robotisés. Il a été développé par le Massachusetts Institute of Technology et l'Université Northeastern sur la base d'un projet lancé en 2009. Le système combine une interface physique, une membrane en caoutchouc, synthétique transparente, couplée à un algorithme de stéréophotométrie qui va reconstituer en trois dimensions la géométrie de la surface avec laquelle le capteur est en contact. La première version du capteur GelSight était suffisamment sensible pour détecter les détails à l'échelle du micromètre. Ce doigt artificiel était notamment capable de distinguer les reliefs de l'encre imprimée sur des billets de banque. Wow! Le nouveau GelSight n'est pas aussi performant, mais il a été considérablement miniaturisé et son algorithme est plus rapide. Une vidéo de démonstration publiée sur YouTube permet de constater avec quelle précision une main robotisée à deux doigts équipée du capteur parvient à attraper la fiche USB et à l'insérer dans sa prise sans encombre. En robotique, la manipulation et l'insertion de petites pièces est un problème important, qu'il s'agisse d'applications industrielles, médicales, spatiales ou dans des environnements dangereux, expliquent les chercheurs qui ont développé le GelSight. Le capteur se présente sous la forme d'un cube, dont l'une des faces est une membrane en caoutchouc synthétique transparente et recouverte d'une peinture métallisée. Les quatre parois du cube en contact avec la membrane sont éclairées avec des LED, des lumières LED rouges, LED, vertes, bleues et blanches. Lorsque l'objet entre en contact avec la membrane du capteur, celle-ci épouse les formes de la surface. L'éclairage LED produit un reflet qui est capté par une caméra miniature. En fonction des différentes fréquences de couleurs, l'algorithme de stéréophotométrie est capable de reconstituer une cartographie 3D de cette surface-là. Dans le cas du câble USB, GelSight perçoit le relief du logo USB gaufré sur l'une des faces de l'affiche. Évidemment, c'est tellement sensible que même juste la peinture du logo USB est assez. Cette image est alors comparée à une photo d'un embout USB de telle sorte que le capteur sait qu'il tient l'objet dans le bon sens. Le robot se sert ensuite de son propre système de vision pour corréler l'embout à la prise USB afin de faire le branchement sans encombre. Les concepteurs du Gel 7 expliquent que le toucher humain est assez sensible pour percevoir deux reliefs espacés de seulement 1 mm et affirment que leur capteur est 100 fois plus précis. Il n'y a pas encore d'application concrète d'annoncer, mais le projet est financé par la NASA, cofinancé, pardon, ce qui donne une indication sur de possibles usages en aérospatial. Une équipe de chercheurs de l'Université de Washington présente un prototype de système de reconnaissance de gestes pour téléphone intelligent qui permet d'interagir avec l'appareil sans l'avoir en main. Là, évidemment, les fanatiques d'Android que Google ne peut pas faire de mal vont dire « Mais Android fait ça depuis très longtemps ». Baptisé Sideswipe, il repose sur la détection des ondes émises par la connexion cellulaire. Simple dans sa conception et économe en énergie, ce système serait, selon les concepteurs, facilement intégrable dans les terminaux. Vous allez voir la différence avec la technologie qu'on a présentement dans quelques instants. Donc, faire taire son téléphone qui se trouve dans une poche ou un sac d'un simple geste de la main sans le toucher, voilà l'option bien pratique que les constructeurs ne proposent pas encore. C'est pourtant techniquement faisable, comme le prouve une équipe de l'Université de Washington avec sa technologie baptisée Sideswipe. Il s'agit d'une configuration assez simple, basée sur des antennes qui détectent les fluctuations du signal GSM émis par le téléphone lorsqu'une main s'en approche. Un peu comme certains gens qui parlent tout le temps contre Apple diraient comme l'antenna gate du iPhone, je crois que c'était 4, dans le temps que si tu plaçais ta main au mauvais endroit, ça bloquait l'antenne, tu ne pouvais pas parler, tu ne pouvais pas faire l'appel ou l'appel tombait. Même genre de choses, donc un algorithme traite ces informations afin de reconnaître les gestes auxquels sont associées des commandes. Sideswipe peut ainsi servir à gérer les appels entrants ou contrôler certaines fonctions sans avoir à prendre le téléphone en main. Il n'y a pas de transmetteur spécial ni de source externe. L'approche nécessite des modifications minimes au niveau du terminal mobile et pourrait peut-être être facilement adoptée par les constructeurs, nous disent-ils. La partie matérielle consiste en 4 antennes qui captent les fluctuations du signal GSM dans toutes les directions autour du téléphone. Quand l'utilisateur approche sa main, le signal reçu est atténué. Cette fluctuation est détectée par les antennes, tandis qu'un algorithme convertit le signal GSM en une onde continue qui sert de base à la reconnaissance gestuelle. C'est donc compliqué, mais tellement le fun comme technologie. La configuration de Sideswipe débute par une phase d'apprentissage durant laquelle le système enregistre la gestuelle de la personne. Actuellement, l'application peut reconnaître 14 gestes avec un taux de réussite de 87%. Ils incluent notamment le balayage latéral droite-gauche et au bas, le fait de tapoter le terminal ou d'approcher et de reculer la main. Dans leur article, les chercheurs de l'Université de Washington évoquent plusieurs scénarios d'utilisation pour la gestion des appels entrants avec 3 possibilités, disons, passer en mode silencieux en approchant la main de l'appareil. Je trouve ça un petit peu trop hâtif parce qu'il me semble qu'approcher ta main de l'appareil, c'est juste aussi mettre ta main sur tes cuisses. Envoyer une réponse prédéfinie par SMS en balayant vers la droite. Encore là, tu fais tout le temps. C'est des mouvements. Je me demande comment ils vont faire pour détecter la différence entre le mouvement que tu veux faire et le mouvement que tu fais juste parce que c'est le même que tu vis. T'sais. Mais c'est pour ça qu'il y a une phase d'entraînement au début, mais on dirait que j'ai des doutes. Rejeter un appel en tapotant le terminal, ça je peux comprendre, ça va. Bon. Sideswipe peut aussi servir à naviguer dans l'interface du téléphone pour faire défiler une page. Passer d'une application à l'autre ou contrôler le lecteur de musique sans avoir à avoir le téléphone en main ou sous les yeux. Par exemple, si tu fais de la cuisine, tu peux juste balayer de la main puis envoyer un paquet de floc à floc de peu importe ce que tu cuisinais, comme avec du gras. Cette technologie n'est pas sans rappeler une autre initiative baptisée AllSea, également mise au point par l'Université de Washington. C'est un service qui utilisait un récepteur à très faible puissance alimenté par les ondes électromagnétiques ambiantes propagées par les transmissions des signaux télé ou RFID. Comparé à cette dernière, la technologie Sideswipe est complètement autonome et ne repose que sur les propres ondes émises par le téléphone. Ça assure un fonctionnement peu gourmand en énergie car l'acquisition et le traitement du signal cellulaire sont beaucoup plus simples dans leur fonctionnement. Sideswipe fait l'objet d'un dépôt de brevet et ses concepteurs vont désormais travailler à son intégration matérielle afin qu'elle puisse un jour être facilement adoptée par les fabricants de téléphones intelligents. On reste dans le domaine des téléphones intelligents avec celui qui interagit avec un écran d'ordinateur. Une application mobile nommée Thaw permet à un smartphone d'interagir avec d'autres terminaux informatiques via leur écran. Mise au point par Tangible Media Group du MIT, le système permet notamment de transférer et de manipuler des fichiers, des contenus multimédia, des jeux ou de poursuivre la lecture d'une vidéo d'un appareil à un autre. Bien qu'il existe de nombreuses solutions pour connecter un téléphone avec d'autres terminaux comme un ordinateur, une tablette, une télé, peu importe, les possibilités d'interaction sont souvent restreintes ou peu ergonomiques. Et s'il suffisait d'approcher son mobile d'un écran pour immédiatement capter ce qu'il affiche et pouvoir ensuite manipuler et transférer des contenus ou piloter une interface. C'est ce que permet de faire Thaw, T-H-A-W comme dans dégelé, une nouvelle application développée par le Tangible Media Group du Media Lab au Massachusetts Institute of Technology. Ses concepteurs le présentent comme un nouveau système d'interaction qui permet à un grand écran et un terminal mobile de travailler ensemble de manière transparente. Dans une vidéo publiée sur Vimeo, on découvre les nombreuses possibilités qu'offre cette application. En approchant le téléphone de l'écran d'un PC portable, un utilisateur voit apparaître les dossiers qui se trouvent sur le bureau Windows. Il peut les saisir depuis l'écran tactile du mobile pour les déplacer sur une autre zone de l'écran. Le transfert de fichiers est tout aussi simple. Avec la souris, il sélectionne le contenu et le fait glisser sur l'écran du smartphone. De la même manière, Tor permet de récupérer une page Internet active d'un simple geste. Il est facile donc d'imaginer d'autres usages pratiques. On peut faire la même chose avec la musique, etc., etc. Sinon... là, c'est des détails assez techniques. On insiste sur les possibilités d'interaction avec les jeux vidéo, où tu pourrais transformer l'écran tactile du smartphone en manette pour contrôler l'action à l'aide de gestes et de mouvements. Le terminal mobile peut aussi faire office de barrière physique qui va interagir avec le contenu, en créant par exemple un obstacle à franchir. Elle peut aussi servir de conteneur pour récupérer un objet numérique afin de le déplacer ou de le cacher. Donc, les possibilités sont très vastes. Pour donner naissance à un grand nombre d'applications, c'est fort. THAW. Des chercheurs du Georgia Tech veulent marquer tous les objets de notre quotidien avec une étiquette RFID. Pourquoi? Parce que équipé d'antennes, un robot pourrait ainsi retrouver tout ce que nous égarons. Utile donc pour les étourdis un peu. Le Japon croit beaucoup au potentiel des robots domestiques. On le sait, on en entend souvent parler. Notamment pour aider les personnes âgées. De grands progrès ont été réalisés ces dernières années, notamment par des entreprises françaises comme Aldebrand Robotics. Avec ces Nao, Pepper et Romeo qui font le tour du net. Mais la route est encore longue avant que ces robots puissent vraiment rendre service au quotidien. Il faudrait déjà qu'ils soient capables de trouver des objets qu'ils ne peuvent pas voir directement avec leur caméra, soit parce qu'ils sont rangés ou parce que l'environnement est trop encombré. Des chercheurs de la Georgia Institute of Technology ont eu une idée assez simple quand même qui consiste à marquer les objets avec des étiquettes RFID afin qu'un robot puisse les détecter. Ce dernier est équipé de deux antennes motorisées montées sur ses épaules et d'un algorithme de recherche dont le fonctionnement s'apparente au jeu du chaud ou froid, bien connu quand même chez les enfants. Le robot se déplace dans une pièce en actionnant les antennes et se dirige en fonction de la puissance du signal RFID. Plus il s'approche de l'objet, plus le signal est fort. D'ailleurs, ce projet a été financé récemment par la conférence, à la conférence Intelligent Robots and Systems, l'IROS. Dans son article, l'équipe du Georgia Tech explique qu'elle a testé avec succès son système avec 9 objets du quotidien répartis dans les pièces et dans les placards d'une maison, donc une télécommande, boîte de médicaments, brosse à cheveux, clé, peluche, bouteille d'eau, etc. L'intérêt des étiquettes est qu'elles identifient les étiquettes RFID encore, c'est qu'elles identifient un objet de façon unique de telle sorte que le robot ne peut pas se tromper. Les chercheurs mettent en avant l'avantage d'un tel système pour les robots d'assistance aux personnes auxquelles il faut apporter des médicaments. Je cite, ça permettrait à un robot de recherche de saisir et d'apporter le bon traitement à la bonne personne au bon moment. Vous savez que les personnes âgées, des fois, vont se tromper d'un médicament, ça peut causer plein de problèmes. Donc, si c'est le robot qui va les chercher, le robot ne peut pas se tromper. L'étiquette a seulement une seule fonctionnalité, c'est de l'amener vers cette boîte, ces pilules, les bonnes pilules. Enfin. Au Canada, on a une ruée vers les téléphones intelligents et les tablettes, nous dit la presse de sa pertinence. L'engouement des Canadiens pour les téléphones intelligents et les tablettes a atteint un nouveau sommet en 2013. Ils sont maintenant 62% à avoir leur iPhone ou Android et 39% leur tablette, imaginez, selon un rapport de 2014 du Conseil de radiodiffusion et de télécommunications. Il s'agit dans les deux cas d'une hausse spectaculaire par rapport à 2012, alors que les pourcentages étaient respectivement de 51 et de 26%. Donc 51-26, c'est monté à 62-39. Le Québec est cependant à la traîne, comme toujours. En 2013, les téléphones intelligents n'ont pas été adoptés par plus de 50% des consommateurs et les tablettes par 30%. Le CRTC a aussi dressé un portrait global de l'industrie des télécommunications qui a généré des revenus de 44,8 milliards en 2013, en hausse de 2% par rapport à l'année précédente. Elle reste cependant une affaire de gros acteurs. Les 10 entreprises les plus importantes contrôlent 95% des revenus. C'est connu, c'est du monopole. Le CRTC a décidé de publier son rapport en trois temps. Le 4 septembre, il a publié la première partie portant sur le secteur de la radiodiffusion. À la mi-octobre, il y aura la dernière qui va comporter des données comparatives internationales et ça va traiter de la liste nationale des numéros de télécommunications ainsi que les dépenses des consommateurs. On va probablement, j'imagine, si ça sort dans les mêmes sites que je suis d'habitude, on va suivre ça. Toujours au Canada, on paie cher pour notre cellulaire. Oui, les services de téléphonie sans fil au Canada sont parmi les plus chers au monde selon l'enquête annuelle du magazine PC Mag. Les auteurs constatent que les trois principaux fournisseurs, Bell, Rogers et TELUS, disposent de réseaux de très grande qualité, mais cette technologie coûte cher aux consommateurs. La majorité des forfaits reviennent à 90$ par mois, alors qu'aux États-Unis, certains fournisseurs offrent des services à 45$, la moitié. En Europe, certains forfaits coûtent aussi peu que 30$ mensuellement sur un téléphone intelligent. En tout cas, ça précise pas, mais j'imagine que c'est ça. C'est vraiment pas beaucoup. Les analystes de PC Mag constatent que les efforts du gouvernement fédéral pour faire entrer un quatrième fournisseur d'importance sur le marché ont échoué. L'article manque un petit peu de détails. J'aimerais savoir si en Europe, les gens sont forcés à acheter leur téléphone outright, s'ils doivent absolument payer le 1 000 $ ou 700 $ pour leur téléphone et ensuite leur forfait est moins cher par mois. C'est ce que j'aimerais avoir comme information. Mais bon. Hein. Selon Statistique Canada, les prix des services téléphoniques, tant sans fil que terrestre... Pardon. Et bon. Ont augmenté. Je vais recommencer la phrase, ça va être plus simple. Selon Statistique Canada, les prix des services téléphoniques, tant sans fil que terrestre, ont augmenté de 7,6% en un an. C'est la hausse la plus forte dans ce secteur depuis 30 ans. Québec veut mettre fin aux textos au volant. On reste dans les téléphones cellulaires, bien sûr. Donc, les automobilistes qui utilisent leur cellulaire pour texter au volant risquent d'accumuler davantage de points d'inaptitude sur leur permis de conduire. Québec songe à augmenter les pénalités pour ce type d'infraction dès l'automne. Le ministre des Transports, Robert Poitiers, constate que les messages de sensibilisation aux dangers liés à l'utilisation des cellulaires au volant ne sont plus suffisants. Des discussions sont déjà en cours à la Société de l'assurance automobile du Québec pour apporter des modifications rapidement au code de la sécurité routière. Je cite, c'est un problème grandissant. Lorsque la réglementation a été faite pour les téléphones cellulaires en 2008, il n'y avait pas l'utilisation des messages textes à cette époque-là. Non, oui. Okay. Mais force est de réaliser qu'actuellement, c'est un réel problème au Québec. Peut-être pas autant, mais il me semble qu'en 2008... Je trouve qu'il manque d'informations dans ces articles-là un peu. Le texto au volant n'est pas seulement un phénomène en croissance chez les jeunes, il touche les conducteurs de tous âges confondus, précise Poitiers, qui ne peut dire pour l'instant combien de points d'inaptitude seraient ajoutés pour cette infraction. Donc, sont en train d'évaluer ça. Actuellement, les automobilistes qui utilisent un cellulaire au volant reçoivent une amende de 80 à 100 $ en plus de voir 3 points d'inaptitude s'ajouter sur leur permis de conduire. Le porte-parole de CAA Québec, Philippe Saint-Pierre, affirme qu'il est temps de passer de la sensibilisation à la dissuasion au Québec. L'augmentation du nombre de points d'inaptitude associés à l'infraction incitera les détenteurs de permis probatoires, par exemple, à y réfléchir à deux fois avant de texter au volant. J'approuve. Je pense, c'est sans trop de détails dans l'article, j'approuve. Vous avez peut-être remarqué les pages qui se sont créées, qui ont été propagées via Facebook et Twitter et autres, des pages Hello, E-L-L-O, un réseau social révolutionnaire ou saveur du jour ou les deux. C'est la question qu'on se pose. Donc, la nouvelle sensation de l'heure dans les réseaux sociaux, c'est Hello, E-L-L-O. Il s'agit d'un projet de réseau social lancé discrètement en mars dernier. Oui, en mars, on commence à en entendre parler là en septembre-octobre. Donc, par un petit groupe d'artistes et de designers. Toutefois, au cours des derniers jours, dernières semaines, le site a connu une explosion spectaculaire. Texte de Radio-Canada ici. Donc, pour être membre, il faut en faire la requête. Ou encore recevoir une invitation de la part de quelqu'un qui l'est déjà. Un peu comme Gmail dans le temps, c'était sur invitation seulement, mais pas avec Stéphane Rousseau. Et pas à TVA surtout. Jeudi, les responsables du site ont temporairement mis un frein aux nouvelles adhésions afin d'apporter des correctifs pour ne pas crouler sous la demande. Plus c'est populaire, plus ça demande du serveur. T'sais. Donc, le fondateur de Hello a déclaré à une journaliste de Fast Company que le réseau recevait plus de 30 000 demandes d'adhésion à l'heure en ce moment. On trouve même les invitations en vente sur eBay et Craigslist. Donc, qu'offre Hello de si différent? Eh bien, dans leur manifeste, les créateurs affirment vouloir en faire un réseau social sans publicité et qui respecte l'anonymat. Vous n'êtes pas un produit, disent-ils, précisant que les informations des utilisateurs ne seront pas vendues à des annonceurs. Comment un réseau espère-t-il alors générer de l'argent ou à tout le moins rester dans le noir s'il connaît une croissance aussi exponentielle? Parce qu'après tout, bon, Facebook, Twitter et autres, Instagram étaient exempts de publicité au début. Hello mise entre autres sur de nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt disponibles. Pour l'instant, c'est pas mal vide, je trouve, comme site. Et les utilisateurs pourront bientôt acheter des options. C'est la twist. Le réseau compte également sur les dons du public. Allez lire le reste de l'article sur assemblagerequis.com, il y a tout plein de détails. C'est quand même intéressant. Hello, c'est E-L-L-O.com. Voilà. Ensuite, juste m'assurer que c'est bien Hello.com et non pas autre chose. C'est Hello.co. D'où le fait de vérifier tout de suite. E-L-L-O.co. Là, je vais réécouter cet extrait-là dans quelques mois, puis je vais me dire, voyons donc, comment ça fait que tu savais pas ça que c'était Hello.co. Cuddler, le Tinder platonique pour faire des câlins à des inconnus. C'est de la nouvelle complètement anodine, comme on en fait peu, mais quand même, il suffit d'un câlin, parfois, pour oublier tous les petits désagréments d'une journée. Et comme on n'a pas toujours quelqu'un à sa disposition pour câliner, il fallait bien qu'une application pour téléphone intelligent soit créée, ça n'avait pas le choix, c'est Cuddler, l'app pour faire des câlins à des inconnus, C-U-D-D-L-R. Donc, vous connaissez Tinder, vous connaissez Grindr, Cuddler fonctionne sur le même principe, on entre en contact avec une personne via géolocalisation de nos téléphones, sauf que l'application se veut entièrement platonique, pour rompre un peu la solitude quotidienne, si on veut. Donc, sur leur site, les trois Britanniques à l'origine de Cuddler, l'article nous précise que Cuddle signifie câlin en anglais. Merci, Huffington Post. Avec cette application, il faut s'en tenir au câlin ou éventuellement à flâner dans un parc, mais sans pression. T'sais. On prend ça à l'air relax pas mal. Le fonctionnement donc est simple. Il faut télécharger gratuitement l'application, hein, disponible sur l'App Store pour iOS, l'année prochaine sur Android, selon le dernier mail, puis se connecter via son compte Facebook. Les seules informations disponibles sont la photo de son profil Facebook et sa localisation. L'âge, le genre de la personne ne sont pas mentionnés. Il va falloir y aller par... le jeu des devinettes. On cherche une personne qui nous plaît pour un câlin. Si elle accepte, on peut voir sur une carte où elle se trouve et le tour est joué. Aussi innocente qu'elle puisse paraître, en effet, c'est assez innocent. Cette application qui se veut platonique, oui, semble toutefois un peu étrange. OK. Une journaliste du Telegraph explique d'ailleurs qu'elle n'a pas réussi à trouver de câlineur en journée, mais que, bizarrement, elle a été inondée de requêtes la nuit. Les gens, je pense que c'est là qu'ils veulent câliner. Ils sont allés se coucher, puis ils sont tout seuls dans leur lit, puis ils veulent câliner quelqu'un. Voilà. Donc, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Cuddler, c'est UDDLR, parce que des fois, vous avez besoin de câliner quelqu'un. Voilà. Facebook oblige les personnages et les drag queens à s'afficher sous leur réelle identité. Depuis quelques mois, plusieurs comptes Facebook semblent être la cible d'une campagne de nettoyage du réseau social. Mais qu'en est-il vraiment? Les conditions d'utilisation de Facebook ont toujours exigé des utilisateurs d'employer leur vrai nom et de ne détenir... T'sais, méchante phrase à me faire dire, ça. Là, et de ne détenir qu'un seul compte sur le réseau social. Ma bouche est pas assez vite pour aider notre détonné. On peut comprendre les motivations derrière une telle politique si elle fait bonne figure aux yeux de certains pour lutter contre le débordement, c'est quoi ça? Lié au cyberharcèlement, il va de soi qu'il s'agit également d'un moyen pour Facebook de ne pas fausser sa base de données d'utilisateurs. La fondation même de sa principale source de revenus qui est évidemment la publicité. Je pense qu'on a tous compris que si vous ne payez pas pour un produit, c'est que vous êtes le produit. On l'a déjà dit souvent. Alors qu'il semblait jusqu'ici y avoir une certaine tolérance à ce sujet, plusieurs comptes ont récemment reçu un ultimatum de la part de Facebook. Essentiellement, l'utilisateur qui enfreint cette politique se retrouve devant trois options, nous dit branchez-vous.com. Prouver qu'il s'agit bel et bien de son nom en fournissant la photo d'une pièce d'identité. S'afficher sous sa réelle identité ou transformer son profil personnel en page professionnelle. La troisième option, convertir les amis du compte ciblé en adeptes de la nouvelle page créée. Par conséquent, cette relation devient à sens unique. La deuxième option a été privilégiée par Grand Talent. Un personnage humoristique plutôt inoffensif, ciblé le mois dernier par cette politique et dont la réelle identité est un secret bien gardé du milieu québécois. Je le connaissais pas, donc c'est pour ça que j'ai dit Grand Talent, mais j'imagine que ça fait plus international. À un moment en coulisses, on impose l'omerta à son sujet. Après vérification, il ne s'agit manifestement pas de Kid Rock, qui est sur Facebook, sous le nom de Grand Talent. La semaine dernière, c'était au tour de la drag queen montréalaise Peggy Sue d'être victime de ce qui semble être une campagne de nettoyage perpétrée par Facebook. En général, les drag queens souhaitent protéger leur famille. Peggy Sue donc dit que la sienne est ouverte et accepte, mais pour plusieurs, c'est compliqué. C'est pourquoi nous utilisons des noms de scène. Voilà, c'est ce qu'elle a confié au Journal de Montréal. En échangeant avec l'entreprise, Branchez-vous a pu éclaircir certains points concernant ce qui s'apparente à un nouveau phénomène. Selon Facebook, cette pratique n'est pas nouvelle et aucun changement n'a été apporté à son application, bien que le réseau social utilise à la fois des algorithmes et une équipe de modérateurs pour déterminer quels comptes sont susceptibles d'utiliser un pseudonyme. L'entreprise souligne que la grande majorité des cas sont rapportés par d'autres membres de son réseau social. J'ai vu et mes collègues et amis ont vu aussi que c'est pas parce que tu rapportes une page pour propos haineux que Facebook va pas faire juste ben on le voit là. Des pages vraiment très haineuses. Ça a été rapporté puis ils sont toutes pas fermées depuis. Donc Facebook agit c'est du cas par cas. T'sais. C'est du cas par cas. Là ils agissent quand c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre ou qu'un personnage fictif. Mais bon. Et finalement, le créateur de Call of Duty à la rescousse des experts militaires américains. Article de l'agence France Presse, le créateur de l'emblématique jeu vidéo Call of Duty a été embauché par un groupe d'experts américains pour tenter d'imaginer ce que pourrait être la guerre du futur. Le centre de réflexion Atlantic Le centre de réflexion Atlantic Council, spécialisé dans les affaires et conflits internationaux, a en effet recruté Dave Anthony, dont la franchise de jeux vidéo à succès a remporté des milliards de dollars de revenus. Il va diriger un groupe d'écrivains et de producteurs chargés de plancher sur la guerre du 21e siècle. L'initiative de Atlantic Council, baptisée Projet sur l'art de la guerre du futur, va débuter bientôt. Elle est née quand Stephen Groundman, un ancien du Pentagone, aujourd'hui membre de l'Atlantic Council, a été très impressionné par le scénario du jeu vidéo auquel jouait son fils. Ce jeu n'était nul autre que le dernier opus de la série Call of Duty, baptisé Black Ops 2. Opération Clandestine 2? Je savais pas qu'il y avait un nom en français pour ça. Opération Clandestine 2, me voilà vraiment surpris. L'action se déroule en 2025 durant une nouvelle guerre froide opposant cette fois les États-Unis et la Chine. Il a été bluffé par le réalisme avec lequel ce jeu décrivait un conflit du futur. Pour mettre au point cette histoire, Dave Anthony avait réuni un groupe éclectique réunissant notamment un scénariste, un auteur et un officier des Marines à la retraite. Le Britannique de 41 ans note qu'un certain nombre de scénarios, livres ou films existent déjà qui dessinent des menaces auxquelles les États-Unis pourraient avoir à faire face dans un avenir plus ou moins proche. Le problème ne venait pas du fait qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Le problème, c'est qu'on ne s'y prépare pas, dit Dave Anthony. Le gouvernement n'est pas prêt à s'y préparer. C'est cet aspect-là que je veux examiner. Voilà. C'est la pire affaire aujourd'hui. L'Atlantic Council dit de son côté être allé chercher Dave Anthony car les responsables de la sécurité nationale ne sont pas en mesure de suivre le rythme frénétique des changements qui secouent le monde et de nouvelles voies sont nécessaires. Et plutôt que de faire des banales présentations de tableaux PowerPoint avec un rétroprojecteur, comme c'est souvent la norme dans les groupes de réflexion, Dave Anthony va montrer des vidéos léchées pour le lancement donc à Washington. L'une d'entre elles proposera aux spectateurs de réfléchir à une attaque contre Las Vegas similaire à celle de Bombay en 2008, où une douzaine d'islamistes avaient mené une opération de guérilla suicide en pleine ville, tuant plus de 160 personnes et en blessant au moins 300. Pour Dave Anthony, le plus grand danger que courent le gouvernement et les militaires américains, c'est de refuser de prendre des risques. Alors que les États-Unis bombardent les positions du groupe État islamique en Irak et en Syrie, leurs représailles éventuelles ne viendront pas de manière conventionnelle, dit-il encore, et il est temps de se préparer pour de tels scénarios. Voilà. Inspiré par les jeux vidéo, tout ça. On termine notre segment Geek CNX avec le top des jeux vidéo les plus loués. Encore une fois, je vais y aller par jeu à la place de par position. Donc, NHL 2015. Bon, en fait, c'est NHL 15 qui est en 10e place sur PlayStation 3, qui c'est le seul qui est tout seul. Ensuite, FIFA 15 est en 9e sur Xbox One, en 8e sur Xbox 360, en 5e sur PlayStation 3 et en 2e sur PlayStation 4. Destiny est en 7e place sur la PS3, en 6e sur Xbox 360, en 4e sur Xbox One, en 3e sur PlayStation 4. Et finalement, le numéro 1, c'est Hyrule Warriors sur la Nintendo Wii U. Voilà pour les jeux les plus loués. Voilà pour le segment Geek CNX. C'est ce qui suit habituellement le segment Geek CNX. C'est bientôt sur vos écrans. Voici les nouveautés jeux vidéo pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2014. Commençons sur Xbox One. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, sort Chariot, un jeu de physique humoristique, plateformeur en coopérative. C'est quand même beaucoup de facteurs. Ensuite, sur PC, sort Super Win the Game. Sort sur Xbox 360 Guncraft, c'est coté 7,5, selon GameSpot. Et finalement, Silence of the Sleep. Ça, c'était pour mercredi 1er octobre. Ensuite, on va à jeudi 2 octobre. Skylanders, ça c'est en Europe. Désolé. Je saute à Metal Slug X qui sort sur PC. C'est coté 8,2 selon GameSpot. C'est un jeu side-scrolling shooter d'arcade. Et c'est un port PlayStation de la version Metal Slug X, donc 10. Ce que je comprends, c'est assez compliqué comme explication. Ensuite, sur PC, sort Left in the Dark, No One on Board. Sur Wii U, on retrouve 99 Seconds, un jeu vidéo rétro amusant où on modifie le temps pour éviter les dangers. Vendredi, le 3 octobre, sort Super Smash Bros. Pour la Nintendo 3DS. Mais sur la 3DS, c'est coté 8, parfait, très bon, great en anglais sur GameSpot. Ça fait longtemps qu'on attend, la version Wii U sort seulement genre juste avant Noël. Quelque chose comme ça. Donc, va falloir jouer à la 3DS pour l'instant. Ensuite, on retrouve sur PC Albedo Eyes from Outer Space. Metal Dead sort aussi sur PC. Ares Extinction Agenda EX sort sur PC. C'est coté 6. Juste, selon GameSpot. Samedi. Pourquoi est-ce qu'on monte des dates de la semaine prochaine? Ah, je pense que c'est parce que... Non, je comprends pas. Mais annoncez que le 29 septembre, parce qu'on me le montre ici et que j'ai commencé à en parler. Sherlock Holmes, The Crimes and Punishments sort sur PC. Les joueurs donc jouent le rôle de Sherlock Holmes et mènent leur propre enquête. Cosmo Corrida sort sur PC. Shadow Puppeteer aussi sur PC. Outland sort sur PC. Ça met les joueurs à l'intérieur d'un chaos total. Faut sauver le monde, finalement. Oui, c'est ça. Il faut absolument sauver le monde. Doom the World to Destruction, c'est côté 9. Superbe selon GameSpot. Tiny Keep sort sur PC. Bulwark sur PC. Inevitability sur PC. The Dark Cards sur PC. Et là, on est rendu à mardi 30 septembre. Je pense que ça va faire. Hein. Je vais arrêter là. Voilà pour les jeux qui sortent bientôt sur vos écrans. Tout à l'heure, plus tard à l'émission, il reste encore c'est un fait Tech Edition. On a aussi la série, la nouvelle série en fait, sur la musique du Game Boy. Ça, j'ai hâte de commencer ça. C'est la série Legacy Game Boy 25th Anniversary. Ça s'en vient dans quelques minutes. Mais avant ça, on retourne en musique. On s'en va entendre une très bonne pièce de Info Drive. On a entendu du Info Drive plus tôt dans l'émission d'aujourd'hui. Mais cette fois-ci, sa chanson a un nom particulier que j'aime beaucoup, qui est Party Now or Forever Hold Your Pizza. Info Drive, MPS, le Mathieu Plante Show sur CIFU. Special delivery. Y'all have to target your home. I'm the mailman, biatch, Karl Malone. Careful opening the box or your arm will explode. Gotta have tough skin like an armadillo. Six, then repeat the number while angels beat each other. Good thing I'm a demon hunter with the soul of Stevie Wonder. Yeah, I'm a plumber pumped when I crank and tune up. Fall down the pipe and get jumped by a gang of goons. Buzz. dick nipples. War paint applied with partial charcoal. Gotta make sure you scan your household barcode. On the weigh-in, step on the scale for the weigh-in. My face is blank, man, Damon Wayans. Vocal cords go super Saiyan, the poop for Saiyan. Saving room for playing my rules. Who's debating the move? You should stick in your lane. Choose your training, I'm too rude. The flake in a smooth mood, you're the bracer. Ass tits. Now let me reclaim what them bastards took, I got it. This shit is off the captain hook. Same plain chess game, try to trap the rook. Fast lane, brake pedal when I tap the foot. If I learned one thing from the 90s, it would be this. If the glove don't fit, then you must acquit. I'm not subtle when I hustle for the busted Tims. I'd rather settle for a muffler than some custom rims. Turd burglar. Yeah, I look cliche as fuck, I spike a few back swiftly. Can't go to the side like it's New Jack City. Joaquin Phoenix reversal go trick the media. They're really just repeating a page from Wikipedia. Hanging out words, popular apostrophe. Always been a cool cat, Mr. Mistopheles. Pinstripe gunner making fun of the scene. I'm a midnight runner when I come on Eileen. Coochie butter. Extension of the pension plan, better than embezzle it. You can always count on Jimmy to bring that next level shit. Let me know how we can settle this. Beat splicer, change the format, perform fatalities in Street Fighter. But I can find solace in my blind belief. Handfuls of capsules and the time release. The minds of these design the feast. Combine with honesty, streaking down the street. Surround your fleet. Japanese tentacle ring. Ravenous stealth bomb, I sunk your battleship. Devil's advocate, thanks for being my rival panelist. Cornfield seance, go on and light your candle wicks. Resurrect comedians when reading off the manuscript. See how it pans out, looking for a handout. Planet of the Apes, it's a damn madhouse. Can't escape spiraling down until I pass out. You don't roll with the right click like a Mac mouse. Approach a line of patient, cut instead. Hungry, his tongue is wondrous when underfed. Thunderous, stop to the oven and stop the butter bread. I don't give a van damn, welcome to sudden death. Dick finger. C'était Super Mario Flopez sur l'album The Cartridge Family par Jimmy The Lock. Donc c'est produit par Fatboy Roberts, écrit, réalisé, enregistré par Daniel James Hubbard. Retrouvez-le sur Jimmy The Lock, loch.bandcamp.com. C'est super bon, il y a plein d'autres pièces inspirées de Mario. En fait, je pense qu'il y en a une autre inspirée de Mario sur l'album The Cartridge Family. Faut apprécier aussi le nom The Cartridge Family, référence à The Partridge Family. Génial. Maintenant, tout ça c'était vrai ce que je viens de dire là. On continue avec la vérité dans cette Un Fait Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est tellement agressant. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. La version Tech Edition, c'est bien sûr avec de la technologie dedans. Et aujourd'hui, encore une fois, des fois, on saute par-dessus cette chronique-là, puis des fois, j'ai du temps à rattraper. Hein? Donc, allons-y, rattrapons le temps perdu. Depuis le 16 septembre, on n'a pas parlé de ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire, donc on a deux semaines à faire. Ça va être vraiment intéressant, vous allez voir. Commençons en 1959, la première photocopieuse. La Xerox 914 a été présentée au Sherry Netherland Hotel de New York. Une de ces imprimantes-là a pris en feu. Mais la démo qui a été diffusée à la télévision en direct, elle n'a pas pris en feu. C'était en 1959. En 1985, Steve Jobs a passé sa dernière journée comme employé chez Apple après avoir soumis sa lettre de démission au conseil d'administration. Ensuite, en 1997, après avoir acheté Next en décembre précédent, donc 96, ramenant Steve Jobs à la compagnie, le conseil d'administration d'Apple a nommé Jobs comme CEO, donc président directeur général et autres, par intérim, remplaçant Gil Emilio. Le 17 septembre 91, la première version du kernel Linux 0.01 a été postée sur un serveur finlandais, un serveur FTP à Helsinki. Le créateur, l'originateur de tout ça, Linus Torvalds, voulait appeler son système d'exploitation Freaks, F-R-E-A avec un gros X, mais l'administrateur du FTP n'aimait pas le nom, il l'a changé pour Linux et c'est resté. Hein. En 2007, AOL annonçait des plans, il voulait refocuser la compagnie sur la publicité. Ils ont relocalisé leur quartier généraux corporatif de Dulles en Virginie à New York City. Le 18 septembre 1927, le Columbia Phonograph Broadcasting System diffuse pour la première fois avec 47 stations de radio. En dedans de deux ans, ce serait vendu complètement. Ça va devenir le Columbia Broadcasting System et plus tard, simplement CBS. Donc, c'est né CBS en 1927. En 98, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, qu'on appelle communément l'ICANN, I-C-A-N-N, a été créé pour prendre la plupart des tâches administratives d'Internet que le gouvernement américain avait jusque-là. Donc, ça a été transféré à l'ICANN. Ce qu'ils font de plus célèbre, l'ICANN, c'est de surveiller et de gérer les noms de domaines. Donc, les .com et le reste. C'est eux qui gèrent ça. 19 septembre maintenant, 1982, dans un billet envoyé à 11h44 du matin, le professeur Scott Fallman propose pour la première fois d'utiliser les symboles d'émoticônes pour indiquer une blague sur un babillard du département des sciences et de l'informatique à Carnegie Mellon University. Donc, il a suggéré les deux points comme petite parenthèse de fermeture pour faire un bonhomme sourire. Il a aussi suggéré dans le même billet, donc deux points, trait d'union et ouverture de parenthèse pour faire un petit bonhomme triste. En 1989, environ 100 hôpitaux, une centaine d'hôpitaux qui utilisaient un logiciel de la compagnie Shared Medical Systems ont vu leur système, leurs ordinateurs, aller en boucle infinie lorsque la date était entrée. Le jour était à 32 768 jours de distance du 1er janvier 1900. Ça a créé ce qu'on appelle un system overflow. C'était trop d'informations en même temps et ça a fait tout planter. Le 20 septembre 2012, MakerBot Industries sort une imprimante 3D qui est la Replicator 2, qui était faite pour les non-experts, donc les monsieur, madame, tout le monde. Il y avait 100 microns de résolution pour l'impression. 100 microns. Ils ont aussi annoncé l'ouverture d'un magasin à Manhattan. 21 septembre 1999, Google sort de bêta. La jeune compagnie venait d'annoncer sa nouvelle fonctionnalité Google Scout et le lancement de son nouveau site web en vend la désignation bêta sur l'engin de recherche de Google. C'était en 1999. On entre dans la semaine la plus récente. Le 22 septembre, en 2011, Facebook annonce sa nouvelle caractéristique fonctionnalité Timeline qui ramassait tous vos billets, tous vos posts et différentes photos, vidéos en ordre chronologique. Ça a remplacé l'ancien profil. C'était en 2011. Tout le monde chialait. C'est la fin du monde. Puis maintenant, les gens ne pourraient pas vivre sans leur Timeline. Le 23 septembre 1889, Fusajiro Yamauchi a fondé Nintendo Koppai à Kyoto, au Japon, pour fabriquer, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais des Hanafuda. C'est des cartes à jouer japonaises. Mario est arrivé bien plus tard, donc ça c'était en 1889. En 2002, Mozilla Phoenix 0.1 ou 0.1 est sorti. C'était la première version publique du furteur web de Mozilla qui allait devenir plus tard Mozilla Firefox. Donc à l'époque, c'était Mozilla Phoenix en 2002. En 2008, T-Mobile G1 a été lancé. C'était le premier téléphone à utiliser Android de Google. Donc ça a débuté une compétition, une guerre d'idéologie avec le iPhone qui avait à peine un an à cette époque-là. Et ça continue toujours aujourd'hui. L'inutilité de la chose m'étonne à chaque fois, de la guerre entre Android et Apple. Mais ça, vous le savez déjà, parce que j'en parle souvent ces temps-ci. 24 septembre 1979, Compus, et j'ai dit Android versus Apple, je sais que c'est Google versus Apple ou Android versus iOS, là, j'avais compris. 24 septembre 1979, CompuServe commence à offrir aux clients, à sa clientèle, une version de son service d'information en ligne par téléphone, par ligne téléphonique dial-up, là, t'sais, bli, bli, bli, bli, bli. Donc nommé Micronet. Ce nom-là allait plus tard changer pour devenir CompuServe et ça offrait du courriel public et d'autres services en ligne. En 93, Brotherbone Software sort le jeu Myst pour les ordinateurs Macintosh. C'est devenu un meilleur vendeur, ça a battu des records et ça a aidé à populariser les lecteurs CD-ROM. En 1997, Ultima Online a été lancé, révolutionnant les jeux vidéo en ligne en permettant à plusieurs milliers de personnes de jouer simultanément dans un monde partagé, persistant. Persistant dans le sens que ce que tu fais affecte le futur, ça va pas redémarrer tout le temps à zéro. 25 septembre 2001, Apple annonce la sortie de macOS 10.1 Puma, donc la première mise à jour majeure de macOS 10. En 2012, Blizzard lance la quatrième expansion de World of Warcraft qui s'appelle Mists of Pandaria. Le 26 septembre 1960, pour la première fois, un débat présidentiel américain est télévisé. Le vice-président Nixon et le sénateur Kennedy ont fait un débat à Chicago. Et en histoire, je connais absolument pas l'histoire, mais j'ai déjà lu un petit peu là-dessus, les gens ont remarqué des caractéristiques différentes chez les deux candidats par rapport à est-ce qu'ils écoutaient le discours à la radio ou le discours à la télé, parce qu'il y en avait des candidats qui suaient, puis qui avaient chaud, puis qui étaient comme perdus visuellement, mais qui, à l'oral, s'en sortaient plutôt bien. Bref. On saute par-dessus le 27 septembre pour aller au 28. En 98, Microsoft Internet Explorer surpasse Netscape Navigator comme furteur web le plus utilisé et à la plus grande part de marché, selon un rapport de l'International Data Corporation. Et en 2011, Amazon brasse le marché des tablettes tactile en annonçant l'Amazon Kindle Fire 7-inch, la tablette à 199$. Et pour terminer, le 29 septembre, c'est donc lundi, hein, le plus récent lundi, 1950, hier, pour ceux qui nous écoutent en direct. Donc en 1954, CERN est officiellement lancé. En plus de faire avancer la science, ça allait plus tard mener à l'invention du World Wide Web. On a déjà parlé du CERN plusieurs fois. CERN qui veut bien sûr évidemment dire Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça doit pas être ça. Qu'est-ce que je dis là? Peut-être. Oh, ouais, c'est ça. Bref. Et finalement, si c'est pas ça, c'est pas même grave. En 1994, les programmeurs ont fait la démonstration pour la première fois d'un furteur Hot Java, donc un prototype Hot Java. Ils ont montré ça chez Sun Microsystems Inc. Ils essayaient de faire un port, donc de porter le langage Java au web. Et apparemment que ça a fonctionné parce qu'il y a encore des sites aujourd'hui qui ont Java, puis il faut tout le temps que tu l'installes dans ton furteur, puis c'est donc lourd, puis c'est donc plat. Hein? Et voilà. J'essaie de juste me corriger tant qu'à être déjà là, là. T'as qu'à être en train de le faire, t'sais. Juste la définition de CERN, c'est pas dur. Laissez-nous en faire, laissez faire. Pas capable de trouver ça, pas assez rapide. J'ai vraiment essayé pour vous, je vais le chercher pendant le prochain bloc musical. Parce que de toute façon, on est rendu à un moment assez intéressant de l'émission. C'est notre série musicale qui s'étale sur une longue période. On fait ça depuis pas mal longtemps, en tout cas depuis qu'on est passé en format de 2 heures. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série. C'est Legacy Game Boy 25th Anniversary. Donc l'idée de l'album, c'est Will Rock et The Damned qui l'ont eu, cette idée-là. Plus tard, ils ont passé le flambeau à Brandon Strader et Chernabog. Donc ils ont remixé de la musique qu'ils aimaient sur le Game Boy. Hein, ils aiment la musique de jeux vidéo, ils aiment la musique de Game Boy. Plusieurs développeurs ont été inspirés par Gunpei Yokoi, qui était le créateur visionnaire du Game Boy et qui a amené le futur des jeux vidéo dans nos mains, le futur portable des jeux vidéo. Donc cet album-là est un hommage qu'on lui dédie. Pour le 25e anniversaire de la console Game Boy, donc on présente Legacy. C'est la 49e compilation éditée par Overclocked Remix. Toutes les séries qu'on a fait jusqu'à maintenant sont toujours par Overclocked Remix parce que c'est clairement les meilleurs pour attirer des gens talentueux. Donc on reprend la musique des jeux de Game Boy et de Game Boy Color. C'est 15 pièces arrangées par 16 artistes qui réimaginent les compositions originales de la plupart de plusieurs... de plusieurs compositeurs dans une variété de styles. On va écouter aujourd'hui les 3 premières pièces. Plus tard, il y aura une pièce basée sur Donkey Kong, version arcade, mais au Game Boy, et aussi Batman au milieu du bloc. On va commencer avec un hommage à Super Mario Land. Voici Super Chai Tea Latte, basé sur Chinese Style Stage Background Music. Au Mathieu Planchon. We'll be right back. diversité. C'est fou, 89.1. C'était les trois premières pièces de la compilation Legacy Game Boy 25th Anniversary. On va entendre Taken. Basé sur Donkey Kong DKS Runaway, c'est le tableau 9-8 versus Donkey Kong Start. Hein? Avant ça, c'était Kaiku Luai Train dans Batman, Title Scene, c'est la pièce qui l'a inspiré. Et au tout début du bloc, c'était Super Chai Tea Latte, basé sur la pièce de musique d'arrière-plan Chinese Style Stage de Super Mario Land. Voilà. On va continuer, il y a plein d'autres jeux dans les prochaines semaines du Game Boy qui sont réadaptés ou adaptés, bref. De façon différente, un petit peu. Maintenant, ben tiens, ce qu'on va faire là, c'est parler de ce qui se passe sur Internet, parce qu'il n'y a pas juste de la musique sur Internet, il y a plein d'autres choses intéressantes. Voici Wow What Web. C'est Wow What Web, où on survole Internet au complet et on choisit un petit peu à la volée, hein? Ce qui est intéressant, à mon avis, des trucs que vous n'avez pas nécessairement entendus ailleurs, là, j'aime mieux y aller avec des affaires, genre, tu sais, plus, comment dire, éloignées du mainstream. Commençons par, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est mon but quand même, si vous avez entendu parler, ben, Caroline, désolé. Commençons par les gens qui textent au volant. Encore une fois, on en parle régulièrement, mais maintenant, il pourrait y avoir un outil. En fait, c'est une firme qui s'appelle Comsonics qui a inventé un radar, un fusil radar, qui va pouvoir détecter quelqu'un qui fait un message texte dans un véhicule en mouvement. Hein? Donc l'appareil de Comsonics peut détecter la différence entre un signal envoyé par un téléphone qui fait un appel téléphonique ou qui utilise un GPS. Tu sais, par exemple, donc GPS c'est correct, téléphone c'est pas correct, message texte c'est pas correct non plus. Donc il y a un million de possibilités pour cette technologie-là, mais je pense que ça a un futur. C'est Comsonics, Comsonics. Certainement qu'il va y avoir des faux positifs là-dessus, mais bon. On va espérer que la technologie va avancer au bon rythme pour que ça puisse fonctionner pour eux. Ensuite, 9 000 $ par année, 9 000 $ pour s'inscrire, 3 000 $ par année, c'est le Facebook des riches. C'est Netropolitan, un nouveau réseau social pour les riches. Donc, comme je disais, 9 000 $ pour s'inscrire. Ensuite, 3 000 $ par année, c'est supposé être un genre de country club en ligne, 100% réel. On dit qu'il y a absolument un besoin et un public pour ce service-là. C'est James Touchy Peters qui dit ça, c'est le fondateur de Netropolitan. Cet homme a 48 ans. C'est un compositeur et un ancien conducteur, conducteur d'orchestre de la Minnesota Philharmonic Orchestra, qui dit qu'il avait de la difficulté à trouver des gens qui pouvaient comprendre et qui pouvaient le comprendre, lui, sur les grands réseaux sociaux. Colin, c'est pas facile d'être riche de même, tu sais. Où est-ce que tu vas trouver tes amis si c'est pas dans un country club à 9 000 $ pour s'inscrire, 3 000 $ par année? Hein? Donc, netropolitan.club est l'adresse. Un peu comme n'importe quel country club de riches dans le monde, mais sur Internet. On a parlé la semaine passée, il y a 2 semaines, je crois, du plateau, entre autres, de Seinfeld, refait dans les Sims, le plus récent, Sims 4. Maintenant, ben ça, c'était un petit peu trop bas de gamme. Hein? On voulait aller un petit peu plus haute société. La famille Crawley, dans Downton Abbey, bien sûr, était la prochaine à être victime d'une recréation dans les Sims 4. On a recréé la distribution complète et le manoir. C'est le travail de Ian Roach, qui capture les émotions même des personnages. Les châteaux sont super bien faits aussi. On montre où sont situées toutes les pièces dans la grande maison. On peut télécharger le manoir et les personnages en cherchant Ian Roach avec son Origin ID Ian8000. Vous allez pouvoir vous-même utiliser cet environnement. Si vous êtes comme moi, que vous avez déjà essayé Illustrator, l'outil de Bézier est probablement la chose la plus compliquée à comprendre dans la tête. Bézier, c'est comme le petit crayon qui ressemble à une plume dans Illustrator. Il l'a dans Photoshop aussi, mais ça fait pas la même chose exactement. Mais bon, on n'entrera pas dans les détails. Mais le Bézier te permet de prendre un point et ensuite un deuxième point et de basculer une ligne entre les deux qui va être comme une courbe. Dans le fond. Donc, entre le point A et le point B, disons qu'ils sont à quelques centimètres ou peu importe de distance, quand tu vas draguer ta souris, ça va faire un rond ou une courbe entre les deux points. Et comme ça, tu peux créer des formes. C'est super complexe à comprendre, mais c'est ce qu'on appelle du dessin vectoriel. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut ensuite l'agrandir. Puis un paquet de facteurs comme ça. Mais pour ceux qui ont de la misère à comprendre le Bézier, ça, c'est moi tout craché, il y a un jeu qui s'appelle The Bézier Game. C'est sur Bézier, B-E-Z-I-E-R.method.ac. C'est un jeu Donc, étape par étape, qui vous montre comment faire du bézier, comment fonctionner avec ça. Pour vrai, s'il y a une façon d'apprendre, c'est probablement celle-là, plus que n'importe quel autre didacticiel. Donc, dans la première étape, bon, clique sur le point en haut à gauche, ensuite le point en haut à droite et le point en bas à droite ensuite. Et bon, voilà, t'as fait une forme. Ensuite, on te demande de faire un genre de carré, une maison presque, je dirais. Donc, le triangle, on va faire point par point. C'est quand même assez simple. Il faut être le plus près possible des points. Mais après ça, on commence à faire des courbes au niveau 3, tu sais. Et là, c'est là que tu me perds complètement. Il faut faire, dans le fond, imaginez-vous un cercle. Il y a un point à gauche du cercle, ensuite un point en haut. Et sur le point d'en haut, il faut draguer pour faire une demi-courbe. OK, parfait. Ensuite, on va draguer à droite du cercle. Là, on complète la courbe. C'est tellement compliqué, difficile à expliquer à la radio, bien sûr, quand même. Mais tu as des raccourcis clavier, tu peux annuler, refaire ce que tu as fait, vider le tableau, recommencer, des trucs comme ça. Donc, pour vrai, pour comprendre le bézier, c'est au début. Voilà. On peut même sauter par-dessus le didacticiel pour être directement au tableau difficile. Par exemple, le premier tableau régulier, sans aucune instruction, et vous montre comment dessiner une voiture en courbe bézier. Bonne chance. Ensuite, une blague à faire à vos collègues de travail ou vos amis, en même temps, si vous avez des amis qui vous feraient ça, moi, je veux pas avoir ces amis-là, hein, c'est la blague de transformer votre bureau en un champ de mine. Votre bureau, on parle bureau Windows ou peu importe, macOS, donc bureau d'ordinateur. Donc, il y a une centaine environ d'icônes. Visuellement, on dirait des icônes de Chrome avec un petit logo de raccourci dans le coin. Et ça marque en bas de l'écran, un est Chrome, le reste sont tous Internet Explorer. Trouver le bon, OK? Et évidemment, en arrière-plan, il y a la photo du méchant dans la série Décadence, là, les films. Donc, c'est ça. Ben, c'est juste un champ de mine, finalement. C'est le Redditor Craft 1342 qui a fait cette blague-là. Je la trouve bien drôle. Vous rappelez peut-être, il y a quelques temps, avait circulé sur Internet l'artiste Dirk Luckle qui avait fait une affiche comportant plusieurs douzaines de vaisseaux spatials dans les émissions de science-fiction, les films de science-fiction, pour les comparer par grandeur. Bon, c'était super impressionnant, mais Local n'est pas capable d'arrêter de faire des mises à jour, donc il a ajouté plusieurs vaisseaux depuis un an. Donc, les véhicules de Dune, Mass Effect, Star Trek et plusieurs autres, ils sont groupés par franchise, donc c'est facile de sauter d'un point à l'autre, de différentes sections en sections, sur ce poster-là, cette affiche-là. C'est quand même assez intéressant de regarder ça. Et vous voyez les vaisseaux qui sont énormes, ils sortent tellement de l'affiche. C'est comme les vedettes de cette histoire-là. Donc, allez sur DeviantArt, le lien est sur assemblagerequis.com. C'est un super gros poster pour vous. Si vous êtes comme moi, peut-être que vous l'êtes ou l'êtes pas, c'est peut-être difficile de décider quelle grandeur de téléphone vous voulez. T'sais, l'iPhone 6 sort, est-ce que je prends un écran 4,7 pouces, un écran 5,5 pouces? Il y a eu plusieurs méthodes qui sont sorties sur Internet, vous les avez certainement vues. Tout le monde a vu passer le PDF à découper. Des grandeurs de iPhone pour que vous puissiez le prendre dans votre main. Mais ça, c'est pas nécessairement la seule et unique façon, la méthode ultime pour le faire. C'est un fichier PDF de 8,5 par 11. Le lien est aussi sur assemblagerequis.com. Mais pour les autres qui veulent une autre façon, c'est est-ce que votre main fit avec votre téléphone cellulaire? Quand les grandeurs d'écran varient, la longueur de ton pouce et de ton index sont assez importants. Les longueurs, oui. Dans la confortabilité de votre téléphone. Donc, suivez ces étapes sur le site graphicsweb.wsj.com. C'est le Wall Street Journal qui propose ça. Donc, on vous demande de calibrer votre écran, en fait, à la dimension nécessaire en mettant une pièce de 25 cents. Donc, une pièce de 25 cents américaine de 24,26 mm de diagonale. Donc, on vous demande de prendre votre pièce de 25 cents et de, si les grandeurs ne vont pas, vous allez pouvoir prendre la petite ligne autour du cercle pour que ce soit de la bonne grandeur. Ensuite, vous soumettez ça, vous prenez un petit slider, bon, le 25 cm de cette grandeur-là, parfait, sur mon écran, génial. Je passe à ça et tu montres la longueur de ton doigt, de ton pouce pour commencer. Donc, tu vas placer ton doigt sur la ligne qui est à l'écran, OK? Et tu vas mettre ton pouce sur la règle, tu vas aligner la règle et puis tu vas faire soumettre. Et là, il y a un paquet de règles à suivre et ça va vous dire si vous devez prendre l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus par rapport à la différente grandeur d'écran. Voilà. Je trouve que c'est encore meilleur que le PDF. En fait, je ferais les deux, si j'étais vous. Ensuite, il y a une ligne temporelle qui met les films de Disney en ordre chronologique basé sur leur environnement historique. Donc, c'est une chose de connaître ces films de Disney. Bon, on les connaît assez pour les mettre en ordre chronologique de leur date de sortie en cinéma ou sur vidéo cassette. Hein? mais par rapport à comment, à quand est-ce que les films se passent. Hein? Donc, de l'époque préhistorique de Dinosaur jusqu'au futur distant de Treasure Planet. Donc, allez voir, il y a une image sur assemblagerequis.com. Ça commence à 65 millions avant, d'années avant Jésus-Christ ou J.C. Lauzon. Et ça va jusqu'à, comme on l'a dit tantôt, en 1 million de je ne sais pas combien d'années. 2037 et ensuite le reste, on ne sait pas quand est-ce que c'est, mais c'est encore dans un futur plus éloigné. Allons-y avec les parents de Batman qui meurent de façon répétée dans une supercut. Vous savez que l'histoire d'origine de Batman est quand même assez, assez connue. C'est pas mal tout le temps la même. En fait, je pense qu'on niaise pas vraiment avec cette formule-là. Il y a toujours au moins le fait que ses parents sont morts. Ça, je pense que ça reste pas mal tout le temps. Donc, on va écouter le petit extrait vidéo des différentes façons que les parents de Batman sont morts. On écoute ça via Waywire. C'est Vulture qui présente cela. Combien de fois est-ce qu'on doit voir les parents de Batman mourir? Ça fait des écrans séparés et on les voit tous en même temps. Donc, t'as Batman The Brave and Bold, t'as Gotham, la future série sur Fox, Batman Begins, les Super Friends. Et on voit qu'ils utilisent souvent les mêmes scénarios, les mêmes genres de phrases. Il revenait du cinéma, souvent. Toujours joué de façon plus ou moins dramatique, dépendant du public cible. Évidemment, les dessins animés pour enfants vont être avec une façon un petit peu plus gentille. En tout cas, j'imagine, je suis pas rendu là. Non, en même temps, je veux pas le regarder au complet, c'est spoiler alert. Non, je trouve intéressant ce genre d'expérience. Plus qu'une supercut traditionnelle que c'est d'habitude extrait, coupeur, extrait, coupeur, extrait, coupeur, extrait, mais on les joue tous en même temps. Il y a quand même de l'originalité derrière ça. Ensuite, je vous apprends peut-être quelque chose, mais Buffy contre les vampires, il y avait une série animée qui a presque eu lieu en 2002, mais finalement n'a jamais été diffusée. Il y a une petite bande-annonce pour la série qui existe. Ça montre que ça aurait été un dessin animé assez sombre. Mais comme je dis, ça n'a jamais été diffusé. Et maintenant, on a Steven Byrne qui a créé une introduction, un générique d'ouverture un petit peu plus amusant, un petit peu plus, moins sombre, je dirais, pour accompagner ce futur, ce passé potentiel dessin animé finalement mort dans l'œuf. Donc, on va pouvoir écouter ensemble cette introduction de Buffy the Vampire Slayer, version dessin animé. Ça a été créé récemment, donc par... notre ami Steven Byrne, tout de suite. Run. Ok, je m'excuse, ça c'était la vidéo promotionnelle dont j'ai parlé au tout début. Là, ça, c'est l'autre vidéo en dessous, c'est l'introduction. Elle tue des vampires avec une hache, entre autres. On voit les ennemis juste disparaître dans un pouf de fumée, on voit leur squelette. C'est joli, la chanson, évidemment, fantastique. Et tout le monde marche à la Scooby-Doo. Même le dinosaure sur lequel il vole. Évidemment, il y a des éléments surnaturels encore plus. Tout le monde s'embrasse. Triangle amoureux. Tombe dans un puits, gars qui se transforme en loup-garou. Des méchants qui sourient dans le noir et qu'on voit juste leurs dents. Les vedettes, Sarah Michelle Gellar, Alison Hannigan, Nicholas Brendon, James Marsters, Amber Benson... Michelle Trachtenberg, ils ont gardé quand même les personnages plus récents. Anthony Stewart Head. Ah, je regarderais-tu ça, moi? Ça a l'air d'être un pas mal moins grand investissement à regarder ce dessin animé-là super court que de me taper les je sais pas combien de centaines d'épisodes de Buffy contre les vampires qu'il y a. Je m'en sortirais jamais si j'écoutais ça. J'ai envie, mais faut pas que je m'embarque là-dedans. Je survivrai pas. Une bande dessinée de Harley Quinn va sentir... quelque chose, mais de deux odeurs différentes à travers le monde. Donc, DC Comics a un personnage qui s'appelle Harley Quinn et le Annual Number One, Harley Quinn Annual Number One, va être Robin Smell, donc frotter, sentir, toujours moins bon en français, avec des odeurs différentes par rapport à l'histoire. Donc, DC va sortir une version américaine pour les lecteurs des États-Unis qui va sentir d'une façon. Une deuxième édition qui va sentir autrement pour les pays donc à l'extérieur, donc la version exportée. La version américaine va sentir, entre autres, il va y avoir plusieurs odeurs, là, mais le cuir, la lotion de bronzage, la pizza et ce qu'on appelle le cannabis psilocybe 7A. De l'autre côté, la deuxième édition pour les marchés outre-mer vont avoir un petit peu plus... C'est ça. Oui, c'est ça. Ce qu'on dit dans l'article, c'est que ce serait difficile d'exporter quelque chose qui sent le cannabis à l'extérieur du pays. Donc, c'est pour ça que l'édition internationale va remplacer le cannabis avec l'odeur de gazon fraîchement coupé. Voilà. C'est tout. Ensuite, si vous vous demandez si votre PC peut jouer à un certain jeu vidéo, des fois, on se demande est-ce que mon PC est compatible avec les Sims 4 ou avec BioShock Infinite. Donc, les jeux vidéo sur PC, on sait, il y a des avantages à ça. On peut avoir des graphismes encore meilleurs que sur les consoles parce que les consoles sont arrêtées dans le temps. On peut pas vraiment les mettre à jour. Enfin, on peut pas du tout les mettre à jour. Alors qu'un PC, on peut les mettre à jour. Sauf que, évidemment, ça commence à coûter cher assez rapidement. Hein? Je ne vous apprendrai rien avec ça. Donc, c'est un site web qui utilise une application Java sur le serveur, ainsi qu'une application, ou encore une application locale pour tester les capacités de votre ordinateur. Et ensuite, ça compare ça à ce qui est demandé par le jeu en question. Donc, si vous avez un PC dédié aux jeux vidéo, là, c'est sûr que ça va fonctionner, votre jeu vidéo. Mais si vous avez un portable, quelque chose comme ça, vous pourriez faire des tests et le savoir avant d'acheter le jeu. On termine avec un dernier. C'est un verrou parental des années 80 pour les consoles de jeux vidéo. Tu sais, de nos jours, tu peux juste mettre un mot de passe sur ta console, tu sais, dans les paramètres, tu peux arranger ça comme tu veux. Mais en 90, le Homework First Video Game Lock, qui était fait pour la NES, la Nintendo d'origine, c'était pas des blagues, c'était un peu comme un cadenas à vélo. Vous pouvez aller voir la photo sur assemblagerequis.com, mais ça se branchait en dessous de la console et ça empêchait la porte de s'ouvrir. C'est vraiment quelque chose, pour vrai, de voir ce genre d'objet-là, qu'il y a quelqu'un qui l'a conservé. Ça date des... Il y a un article là-dessus de Entertainment Weekly de 1990. Donc, c'est pour empêcher le comportement obsessif et l'irritabilité qu'on appelait la Nintendo-nitis, la Nintendo-nitis, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient vendu le Homework First. Tous les liens de WoWatWeb et du reste de l'émission sur assemblagerequis.com. Nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. Déjà terminé pour notre Mathieu Plante Show. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Toujours les mardis entre 13h et 15h. On repasse les jeudis entre 16h et 18h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requise lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est fou les mercredis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cfou.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook sur facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye!